Argent. Les mines d'argent les plus riches et les plus abondantes sont en Amérique, surtout dans le Potosí, qui est une des provinces du Pérou. Les filons de la mine étaient d'abord à une très petite profondeur dans les montagnes du Potosí. Peu à peu, on a été obligé de descendre dans les entrailles de la montagne pour suivre les filons. À présent, les profondeurs sont si grandes qu'il faut plus de 400 marches pour atteindre le fond de la mine. Les filons se trouvent à cette profondeur de la même qualité qu'ils étaient autrefois à la surface. La mine est aussi riche. Elle paraît être inépuisable. Mais le travail en devient de jour en jour plus difficile. Il est même funeste à la plupart des ouvriers par les exhalaisons qui sortent du fond de la mine et qui se répandent même au dehors. Il n'y en a aucun qui puisse supporter un air si pernicieux plus d'un jour de suite. Il fait impression sur les animaux qui pestent aux environs. Souvent, on rencontre des veines métalliques qui rendent des vapeurs si pernicieuses qu'elles tuent sur le champ. On est obligé de les fermer aussitôt et de les abandonner. Presque tous les ouvriers sont perclus quand ils ont travaillé pendant un certain temps de leur vie. On serait étonné si l'on savait à combien d'Indiens il en a coûté la vie depuis que l'on travaille dans ces mines et combien il en périt encore tous les jours. Diderot.